Bonjour, live, ben direct du vendredi 2 septembre. Donc, il y en a en ce moment qui vivent toutes sortes de choses. Il semblerait que, entre autres, voyons, pourquoi ils me font ça? Bon. Il y en a en ce moment qui vivent une dépolarisation du mental. Ça, c'est difficile. Aussi, il y en a qui vivent la déspiritualisation. Ça aussi, c'est difficile. Bonjour, Michael. Donc, c'est des processus qui sont souvent souffrants parce qu'après, il va venir une certaine des choses par rapport à l'émotivité. Moi, personnellement, bonjour, Jean. J'ai pas encore fini ça. Puis, bonjour, Marie. Ah, bonjour, Marie-Jeanne. Donc, habituellement, ah, bonjour, Mimi. Habituellement, par rapport à toutes ces choses-là, bon, je pensais que j'avais fini. Quand il y a quelqu'un, bonjour, Todd, quand il y a quelqu'un dans ces domaines-là qui décédait, souvent, bon, je recevais, bonjour, Josée, je recevais quelque chose, j'arrive pas à l'expliquer. Notamment là, Daniel Ménard, dont qui j'étais pas proche, mais absolument pas. Quand il est décédé, j'ai senti que je recevais quelque chose. Aussi un ami, quand il est décédé, mais là, c'est au niveau de la connaissance. On peut dire que j'ai senti que je recevais quelque chose. Bonjour, Todd. Donc, par rapport à quand Armand Desroches, encore quelqu'un que j'étais pas proche du tout, est décédé, là, j'ai rien senti. Puis je me demandais pourquoi. Finalement, je suis allé l'écouter. Puis c'est là que finalement, c'est encore, si on peut dire, au niveau de la connaissance, parce que je me suis rendu compte que j'avais pas fini. Il y a des choses que je pensais qui étaient terminées, puis que ce n'était pas le cas. Je n'avais pas finalisé. Bonjour Virginie. Donc, finalement, bon, c'est surprenant ça, parce que comme vous le savez, à un moment donné, j'ai eu une espèce de choc par rapport à l'événementiel. Puis, bonjour Étienne, hein, c'est la première fois que je vous vois. Ah bon, vous êtes au travail. Puis finalement, quand M. Desroches est décédé, bon, je suis allé l'écouter, puis finalement, ce qui a été transmis quelque part, c'est le fait qu'il y a certaines choses que je n'avais pas perçues par rapport à moi. Donc, finalement, puis ça corroborait certains événements que j'avais vécu, comme cet été, au début de l'été. Donc, il semblerait que, bon. Mais je sais qu'il y a des gens qui, en ce moment, ils vivent de la dépolarisation, ils vivent de la déspiritualisation. Puis là, je suis pas en train de dire que la spiritualité, c'est quelque chose qu'il faut se débarrasser. Au contraire, c'est des choses, bon, c'est l'aspect naïf de ça. Donc, puis là, ce matin, je voulais faire un live, je ne sais pas pourquoi. Donc, s'il y en a qui ont des sujets que vous voulez discuter, ben, ça serait le temps, parce que moi, ben, dans le fond, j'en ai pas. Ben, on pourrait parler, ce qui se passe en ce moment. On nous dit que là, il y a un climat de violence. Puis là, on cherche à pointer du doigt des responsables. En fait, c'est des vieilles techniques. C'est des vieilles techniques, au fond, pour justifier des choses. Donc, au fond, qui sont les responsables d'un climat de tension qui monte? Ben, ce sont les gens, par exemple, qui ont confiné les gens en santé. Ce sont les gens qui ont forcé des enfants à se mettre des choses dans le visage qui étaient nuisibles. Ce sont des gens qui ont demandé à la police, par exemple, d'empêcher des familles de se réunir pour Noël. Ce sont des gens qui ont fait des alertes en plein jour de l'an pour garder les gens sous tension alors qu'il y avait moins de raisons que maintenant, peut-être. Donc, ce sont ces gens-là qui sont, bonjour Nathalie, ce sont ces gens-là, au fond, qui sont responsables de la tension. Pourquoi? Parce qu'ils s'en servent. Et ça va servir à justifier des budgets. Ça va servir à justifier des mesures de sécurité. Pourquoi? Parce que, bon, quand un dictateur est commandité par plus haut que lui, il est souvent paranoïaque. Il sait qu'il est un pion sur un jeu et il y a une certaine paranoïa qui se crée. Puis finalement, bon, bonjour Isabelle. Donc, les gens qui, vous savez, c'est comme le Maharaja, quand la population l'aime moins, là, on relâche un tigre. Ensuite, le Maharaja faisait recapturer le tigre et tous les gens l'aimaient plus. Puis c'est tout le temps comme ça. C'est des vieilles techniques. Donc, c'est juste un petit peu ridicule, là. Mais bon. En plus, on est en temps d'élection, là. Puis oui, il y a une tension, il y en a une envers les élus. Ça serait vraiment pas beau à vivre ce qui s'en vient. Ben non, c'est certain. Mais il va falloir quand même le vivre. Puis heureusement, d'une certaine façon, si on n'était pas forcé, on l'éviterait. Puis ça va certainement servir. Ça n'a rien à voir avec le sujet, mais j'ai eu une expérience de paralysie du sommeil dans la nuit de mardi. Assez étrange. J'ai ressenti qu'une force m'oppressait et que je repoussais en même temps. Ah oui. Moi, ben, on est dans une période de l'année qui est propice à ça, là. Le mois de novembre s'en vient. Puis, bonjour Jacques. Oui, grosse phase de déspiritualisation depuis quelques mois. En tant qu'artiste, ça a coupé mes sources d'inspiration et même mes motivations de base. Peut-être que vous allez être appelé à faire de l'art qui est moins. L'inspiration vient d'où, hein? Ça va peut-être venir d'ailleurs. Puis là, on pourrait parler d'autre chose que de l'inspiration. Comme un chant de force, les oreilles, mais s'il est très fort. Ah oui? Ça, c'est intéressant. Une question au travail, tout le monde, ils disent que quand ils viennent au travail, ils deviennent une autre personne. Ils laissent sa personne à la maison. J'ai mal à comprendre ça. J'ai du mal à convoyer. Ben oui, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont divisés en eux-mêmes. C'est de la conformité sociale. Donc, bon. Mais d'un autre côté, ça peut être correct de laisser certains problèmes à la maison, mais on n'est pas censé non plus. Voyons, il est donc bien fatigant, le chat. Plus vous allez dire que ça va mal aller, plus ça va mal aller, pas nécessairement. Vous savez, je suis pas polarisé positif-négatif, c'est peut-être nécessaire pour que certaines personnes se rendent compte. Donc, c'est la première fois que les oreilles me sifflent. Ah oui, les deux en même temps, hein, en plus. Ben. Ça pourrait être plusieurs choses, là. Aucun examen de conscience, aucun mea culpa au post-mortem. Les gens ont besoin de souffrir beaucoup plus. Désolé pour ceux qui vont subir le collectif à nouveau, surtout les enfants. Oui. Oui, c'est là que je deviens en colère parce que les enfants, ben. Ah, les faits sont les faits. Oui. Ben oui. Mais hier, ils montraient à la télévision les jeunes. Bonjour Cristal. Ah, c'est la première fois que je vous vois, je pense. Les jeunes Ukrainiens qui retournent à l'école. Puis, en tout cas, je regardais ça. Puis, bon. L'avenir n'est pas joué. Je ne sais pas. Il y a de la programmation, hein, collective. L'avenir n'est pas joué pour l'individu. Mais pour le collectif, ce n'est pas pareil. Puis, bon, c'est souvent comme ça. Ben, souvent, c'est pas mal tout le temps comme ça. L'avenir n'est pas joué, on verra. Mais il peut arriver des imprévus. Donc, jusqu'à maintenant, là, c'est pas mal tout le temps ce qui est joué. Le retour à l'école est la même date partout. J'ai réalisé cela pour la première fois hier. Ouais, c'est parce que ça suit. Vous savez, là, ça suit, c'est lié à des cycles dans l'année. Donc, anciennement, après les récoltes, bon, c'était le temps de retourner à l'école. Puis là, ils ont reculé ça un petit peu. Oui, dans le monde. Ben oui, mais c'est de l'éducation nationale maintenant, partout dans le monde. Donc, ça suit les calendriers. Ça suit les calendriers, des feux de calendrier. Et donc, les gens qui sont au pouvoir, ça suit leur vision cyclique des choses. Donc, souvent, après, bon, Souvent, l'automne, pour mois de novembre, on n'avait pas besoin d'enfants pour faire boucherie. Donc, c'était le temps de. Merci d'avoir remis de l'intelligence et du discernement dans la mode actuelle qui consiste à confondre colère mentale et prétention puérile. Ben, si je vous dis, ah, ben, merci beaucoup, je m'attribuerais du mérite, puis peut-être que ça en serait de la prétention. Au fond, je n'ai pas vraiment d'opinion sur ça. Ici, en Amérique centrale, les enfants tombent en vacances. Oui, ben, c'est parce que c'est pas au même endroit, hein, c'est pas les mêmes. C'est comme il y a quelqu'un qui me disait qu'il rêvait pas ces temps-ci, mais qu'il vivait en Équateur. Donc, il a compris certaines choses. Oui, je sais, mais j'avais jamais pensé que c'était partout dans le monde. Ah, ben oui. Ben, disons l'Occident, mais là, il y a aussi. Ben, prenez l'Asie. Si on regarde la Corée du Sud, on se rend compte que c'est les Américains hein, qui mènent. Pareil pour. Ça peut sembler surprenant, mais le Japon. Le Japon, c'est les Américains qui mènent. Ils leur ont imposé une constitution, puis ils leur ont imposé, bon, un système. Puis c'est pas pour rien que les nationalistes au Japon sont tellement agressifs envers tout ce qui vient d'Occident. Puis ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tout à fait raison non plus, parce que ça ne sert à rien de s'attaquer aux Américains, c'est à ce qui est pourri en haut. C'est eux qui. Bon. En tout cas, mais, ouais. Ben oui, de toute façon, il y a ce qu'on pourrait appeler une cohésion liée à un gouvernement. Ça me fait toujours rire, les gens disent, oh, le gouvernement mondial s'en vient. C'est là depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'il y a. En tout cas, c'est peut-être que ce qui s'en vient, c'est que ça va être plus évident. Puis ils vont officialiser. Comme là, c'est rendu qu'ils parlent de la géo-ingénierie aux nouvelles, aux informations. Puis ils sont en train de rendre ça public, au fond. Confronté par une anti-vax, Legault a répondu, c'est des vieilles histoires, ça. Je me suis dit, quelle réponse de vieux. Quelle réponse de vieux. Ouais. Ouais, ça ressemble à certaines défenses de. Certains. Oh, ça fait 25 ans, tout ça. Ben oui, puis. Je veux dire, la dette n'en est que plus grande. Hein? Il y a des intérêts, quelque part au niveau karmique, là. Effectivement, il est là depuis longtemps. Ben oui. Mais pour ça, François Legault, bon. Même, je suis surprenant qu'ils aient passé l'extrait aux nouvelles, c'était parce qu'ils savaient que ça se promènerait sur les réseaux sociaux de toute façon. Mais bon, je veux dire, François Legault, quel tata. Il est incapable de répondre du tac au tac, quoi que ce soit d'intelligent. Donc, oh, c'est des vieilles histoires. Moi, je trouve ça très récent. Très récent. Puis même au niveau du futur, c'est très proche. Leur plan, il se réalise de plus en plus, c'est visible, mais beaucoup de monde, ils n'arrivent pas à comprendre. Oui, mais là, il va falloir qu'ils soient devant le fait accompli, peut-être. Puis là, ils vont comprendre. Ou plutôt, ils vont prendre parce qu'ils n'auront pas le choix. Donc, ben oui, mais pour que ces choses-là s'écroulent, il faut que ça soit là, que ça soit. Il faut que. C'est un peu comme. Un matériau qu'il faut qu'il se densifie de plus en plus comme quelque chose qui gèle pour qu'on puisse le casser collectivement. Donc, ça suit certains processus. Comment le monde peut encore croire ce que Legault dit, c'est toujours n'importe quoi. Comme tu dis, jamais rien d'intelligent. Ben non. Ben oui, mais en tout cas, j'hésite un peu à dire. Ce que je pense de lui socialement, quoi. Est-ce qu'on va réussir à s'en sortir un jour? Ouais, mais ça viendra pas de l'humain au sens où on l'entend. Ça va venir de des ressources insoupçonnées dans l'humain qui vont se manifester à un moment donné. Puis, de toute façon, bon. On parle de matière, matérialisation de cette semaine. Je lisais ce mot, dématérialisation, au niveau du fait que. Les banques ont habitué les gens à dématérialiser les actions financières. Ouais, ben on s'en va vers le virtuel de plus en plus. Donc, jusqu'à un certain point, le monde de la magie. La finance, c'est de la magie. Par le biais des transactions que l'on fait avec notre cellule, on s'en va de plus en plus vers l'irréel, le virtuel, l'artificiel, le parallèle, le bon, c'est certain. Tu le vois dans la face à Legault, qu'il est nerveux, il dépend de la transe des traumatisés, des gens qu'il méprise, une transe qui se brise, il a la chienne. Il devient paranoïaque, ce qui est tout à fait normal. Ça suit les mêmes processus qu'on a toujours vus. Un dictateur, c'est tout le temps commandité par plus haut que lui. Donc, jusqu'à un certain point, ils deviennent tous paranoïaques à un moment donné. C'est comme des gourous de secte aussi. À un moment donné, ils virent paranoïaques. C'est pour ça, là, Jim Jones, puis son suicide socialiste, c'est une manifestation socialiste. Méchant capoté. Méchant crétin. Meilleur call de la journée pour ceux qui qualifient les gens d'antivax. Es-tu juif? Non. Alors, tu es antisémite. Moi, je n'ai jamais été anti-vaccin. Là. Je veux dire, si ça avait de l'allure, si ça avait du bon sens, puis que c'était réellement dans l'intérêt de... Je comprends le processus vaccinal, c'est très ancien. En Chine, il y a longtemps, pour éviter des épidémies, on prenait un petit bout de bambou, il filait, puis on mettait ça dans certaines plaies cutanées pour certaines maladies, puis après on piquait tout le village. C'est des vaccins. Dans le fond, là, on a mis sur un piédestal Pasteur, mais lui, en tout cas. Oui, je sais, mais j'ai fait des liens avec la matière, la matérialisation de l'invisible. J'avais poursuivi ma réflexion, on verra bien. Ouais, ça va dans les deux sens. Il y a des choses virtuelles qui sont de plus en plus ancrées dans la matière. En même temps qu'il y a des choses qui étaient matérielles qui vont de plus en plus dans le virtuel. Pasteur est un voleur, oui, je suis d'accord. C'est le Thomas Edison de la médecine. C'est le Thomas Edison de la médecine, Pasteur. Il y a une chose que, prenez juste la pasteurisation, c'était connu il y a longtemps. Même Paracels, à un moment donné, mais il me semble qu'il a parlé de ça. Donc, bonjour, que dites-vous du cannabis? Je n'ai jamais fini de fumer de cannabis, sauf en ce moment où je ne gère plus ma tension. Ça enlève de la volonté. Vraiment, là, ça draine de la volonté. Puis ça peut être, ça peut projeter dans le mental beaucoup. Donc, c'est là, c'est-à-dire il va avoir des bénéfices, mais tout se paye. Donc, personnellement, je suis un petit peu ambigu. Ici, au Québec, c'est le gouvernement qui le vend. Là, j'ai un problème avec ça. Parce que, ça pourrait servir à toutes sortes de choses, parce qu'ici, on est un bassin expérimental. Donc, on ne sait pas trop jusqu'où ça va, mais ça draine de la volonté, ça projette dans le plan mental. Donc, ça dépend, là. Ça peut être juste une phase à un moment donné dans la vie, en autant que ça ne devienne pas, que ça devienne pas une dépendance, là. Mais c'est pas nécessairement mauvais, là, tant que ça, ça dépend. C'est du cas par cas. Je connais plusieurs personnes qui ont des problèmes de cœur à quand même. Une personne au travail avec moi, elle a failli mourir. 10% de sang, OK. Les restes, mauvais. Ils ont mis stent. Moi, j'en aurais à dire aussi là-dessus, là, autour. J'en vois aussi qui sont... Ça va pas bien. En parlant de paranoïa, c'est quoi qui se passe... qui se passe dans la maladie mentale, la paranoïa au niveau, par exemple, les schizophrènes paranoïdes, ils vont projeter à l'extérieur des choses internes. Donc, souvent, le schizophrène paranoïaque va penser qu'il est suivi dans la rue, alors qu'en fait, c'est à l'intérieur qu'il est suivi et qu'il est observé. Le schizophrène paranoïde se pense observé par ses voisins, par exemple, il se pense espionné, alors qu'en fait, c'est autre chose. C'est par l'interne qu'il est, puis lui, il va projeter ça vers l'extérieur. Donc, Ça enlève volonté à toute dépendance et néfaste pour l'évolution individuelle. Oui, mais des fois, ça peut être une phase nécessaire pour... bon. Ça peut aider à créer de la volonté si vous venez à bout de vous sortir d'une dépendance. Souvent, les gens qui ont eu des grosses dépendances, j'ai connu une dame qui avait été héroïnomane et qui s'en est sortie absolument toute seule. Et elle avait plus de volonté que beaucoup de gens qui n'ont jamais eu de dépendance. Donc, le cannabis m'a ouvert les centres. Ouais. L'affaire, c'est est-ce que c'est le temps? Des fois, c'est pas le temps, hein? Puis ça dépend. Il n'avait un sauté à Sorel, là, Normand d'amour. Puis il avait dit à des jeunes, en plus c'est un vieil efféminé, il avait dit à des jeunes, là, vous vous êtes ouvert les centres avec la drogue, puis moi je vais vous envoyer de l'amour dans le trou. Ils ont trouvé ça bien comique. Mais il reste que quelque part, bon. C'est vrai que, bon, beaucoup de gens ont été complices et facilitateurs, ne serait-ce que par leur silence, les fameux, on parle plus de ça, c'est fini. Et oui, ça prépare la surprise pour plus tard. Ce n'est aussi comme une histoire de, ouais, dans une famille, et voilà. Ben, c'est les lois du mensonge. Okay. Dans le fond, là, pourquoi qu'il a été dit, bon, ben lui, il était menteur puis meurtrier dès le début? C'est parce que c'est des forces comme ça. Ça suit les mêmes lois, ça suit les... Et voilà, dans le fond, là. Salut, que penses-tu de l'écriture automatique? Ça dépend. Si c'est pour canaliser des patentes comme on a vu dans les années 80 avec Shirley MacLaine, là, j'ai une très mauvaise opinion. Mais si c'est l'écriture automatique, comme je l'ai vu dans d'autres milieux, les gens que c'était leur propre intelligence qui s'exprimait. Là, j'ai pas la même opinion. Vous savez, quand on se met à écrire, juste le geste, là, l'information descend des fois. Il y en a un avec qui, bon, que je parlais sur Skype, puis des fois, il disait, demande-le ça. Puis je faisais juste prendre le bloc-notes puis le crayon, puis ça, j'avais même plus besoin. Surtout les boomers qui ont laissé museler leurs petits-enfants avec des filtres à café pour protéger leur dernier tour de piste. Ouais, mais... Regardez, là, dans le fond, c'était les parents, pas les grands-parents. C'est les parents qui étaient censés protéger les grands-parents et les enfants. C'est eux qui sont au milieu du jardin. Donc, ça revenait aux parents. Donc, oui, ça aide aussi. Ouais. Plusieurs diagnostics d'analyse sur les personnes décédées, injectées, celles qu'on fait en temps normal à l'hôpital lorsqu'une personne décède, ils disent que ce n'est pas du sang. Ah oui. Vous savez, ici, j'ai quelqu'un qui a pas été, bon, qui ne l'a pas eu, là, puis qui faisait de l'anémie, puis qui avait une hémoglobine extrêmement basse, tellement il fallait faire des transfusions aux 2 semaines. Puis finalement, ça remonte tout seul, puis les médecins eux-mêmes ne comprennent pas. Mais je pense que c'est peut-être lié à ma cuisine. Ou autre chose, c'est pas important, dans le fond, en autant que ça marche. Ne voudront rien avouer, moi. Ben, c'est parce que c'est comme comment je pourrais dire ça? C'est se mettre dans une position. Hein? C'est comme s'avouer coupable, là, c'est dangereux. Ma soeur travaille en hémodialyse et le sang des vaccinés est beaucoup plus. Ah oui? Moi. Ouais. Ah, ça, j'aimerais ça. Il faudrait que des gens filment ça là, avec leur téléphone puis qu'ils le rendent public quand il y a des choses comme ça, là. Très probablement, les gens vont se choquer, mais contre les mauvaises personnes. Et voilà, c'est le principe d'altérité. C'est-à-dire, on pointe du doigt des coupables pour détourner l'énergie. C'est comme c'est ça, se servir de l'énergie, puis bon. Anglade semble s'effondrer, je suis pas sûr. Moi. Ben, ça ne me surprendrait pas qu'à un moment donné, ils reviennent à la CAQ pour une passation de pouvoir dans le futur. Et oui, ça ne me surprendrait pas, parce que dans le fond, c'est le Parti libéral qui s'effondre. Mais elle, qui fait partie du cabinet de Couillard, puis bon, puis d'après moi, elle a des liens avec des agences de renseignement que je nommerai pas. Mais ça, je dis ça par rapport à son père. C'est souvent de famille, hein, ces connexions-là. En France, Macron a réuni son nouveau conseil de défense énergétique qu'on prévoit le bois et les bougies. Nous sommes toujours rationnés en moutarde. J'ai presque envie de rire, c'est si grossier. Ben oui, c'est n'importe quoi. Il est en train de vous emmener sur. Ça va finir par une guerre, hein, tout ça. Ils sont en train de nous entraîner dans la guerre. C'est voulu, puis c'est pensé, puis c'est appliqué, puis c'est ça le but. Mais là, dans le fond, ils trouvent que la population doit être mise au pas. Les pénuries de moutarde, c'est ridicule. J'ai des correspondants de plusieurs endroits, puis il n'y a pas de pénurie de moutarde dans leur pays. Puis la France, qui est un des principaux producteurs, il y a une pénurie. Au Québec, il y en a un jeune entrepreneur très brillant, il a racheté tous les stocks de grains de moutarde produits dans l'ouest du pays. Il y a de la suite dans les idées. Tandis que moi, hier, ben, j'ai perdu 1000 pièces. J'ai perdu ben, plus que ça, là, 1000 quelque chose, mais je n'étais pas content. Mais bon, d'habitude, mais là, si tu as de l'argent, fais pas. Bon. Est-ce que c'est vraiment une perte? Puis de toute façon, je n'ai pas vendu. Fait que ça va peut-être. Bon, je sais pas. Mais je me doute qu'il s'en vient des choses là. Alors là, ça va vite, je perds des. Oui, il faudrait, mais là, ils sont tous vax maintenant, ceux qui vont en hémodialyse. Au début, ils pouvaient voir la différence. Ah, ben, vous voyez, il semblerait que ceux qui ne l'ont pas, bon, ils ont moins besoin de. Au niveau supramental, quand tu es dans ta personne, tu es un peu dans ta personnalité, non? Seulement avec un ego plus transparent et transmuté. Ouais, ben moi, la personnalité est pas, est encore là, là. Puis, pas mal. Mais des fois, je suis dans des états où ça va être neutralisé. Mais c'est très. Ça dure pas longtemps. Mais oui, en plus, j'ai une personnalité de merde, là. Je suis caractériel, puis. Mais bon, j'essaie de me gérer de plus en plus. Mais dans le sens que je me laisse gérer par ce qui est plus objectif. Alors, mais la guerre entre la personne et la personnalité n'est pas finie tout à fait. Il va tout le temps avoir un gagnant. Mais bon, c'est pas une guerre comme on l'entend, là. Bientôt, ils vont nous sortir le catalogue de. Gel pour les mains. Quel type de virus vous voulez? Deux acheter, troisième gratuit. Ben oui, c'est sûr. D'ailleurs, la dame qui a invectivé le bain vêtu, qui a interloqué le goût, elle disait, oui, mais vous allez recommencer. Vous allez recommencer. Il était bouché, le bonhomme. J'avais un voisin, c'était le plus critiqué pour protéger ses enfants des chars qui roulaient trop vite. Il sortait dehors avec une clé à molette de plombier, lui qui était vendeur d'assurance. Eh ben. Ouais. Ben, c'est souvent comme ça. Mais là, dans le fond, c'est drôle, hein, quand j'étais enfant, mes parents, ils étaient pas inquiets, puis ils s'en foutaient des autos, puis ils savaient que. Mais il risque, bon, des enfants surprotégés. Là. Ben, vous voyez là la projection vers l'extérieur, comme si la menace était extérieure alors qu'elle était dans la maison. C'est souvent comme ça. Plusieurs embaumeurs vont témoigner, plusieurs sont même pétrifiés et disent la même chose, ce qui ressort d'où le sang. Ouais, texture de latex. Oui, j'ai vu ça, les grands. C'est des grands caillots là, qui ont pris la forme. Des tubes vasculaires, puis ils sortent ça, là. C'est carrément, comme on dirait, de l'espèce de boudin plastifié, là. Ben oui, mais ça, c'est lié à. Bon. C'est des technologies de cristallisation. Donc, puis c'est par des champs magnétiques, ça. Bon. Il semblerait que. Bon, c'est là où science et magie se rencontrent, hein. On a affaire à. Ouais. Bonjour Bertel à tous. Quelle est la définition de la santé? Pour mon ajusteur, c'est l'alignement de tous les corps avec l'esprit, pas l'absence de maladie du corps physique. Ben, je suis d'accord. Dans le sens, il va y avoir une harmonisation. La santé, c'est une harmonie, donc un alignement des corps. Donc oui, c'est tout un cauchemar, ça, aïe, aïe. Ah oui, vous parlez. Moi. Bien, bonjour. Ah, bonjour, Annette. Ah, c'est vous, Annette. Ça fait longtemps que j'avais pas vu, on n'avait pas de nouvelles. Attention, probablement cet automne va y avoir la vraie pandémie, inoculée à tout le système immunitaire à zéro, moins. Ben même, c'est à se demander si ça va pas venir du ciel, hein? Parce qu'ils relâchent des agents biologiques des fois. Souvenez-vous, là, les expériences faites par les Américains en France pendant l'occupation par les Américains. Souvent, les Français vont parler, ah, l'occupation, ils parlent des Allemands. Mais moi, là, quand je parle d'occupation, c'est celle qui dure encore. Vous savez, les Américains, bon, en tout cas. Attention, probablement cet automne va y avoir la vraie. Bah, oui. Ben oui, même j'en avais parlé avec quelqu'un. Ah oui, oui c'est vrai, lisez vos courriels, vous y avez de mes nouvelles. C'est vrai que ça fait un bout de temps là, que j'y suis pas allé. Puis j'avoue que je suis pas très assidu, là, je vois pas assez à ça. Mais bon, il y a tellement de choses en ce moment, puis j'ai un petit peu de problème avec bon, toutes sortes de choses, là. Donc. Ah, Todd, j'ai pas eu le temps de vous lire. On est empoisonné depuis longtemps, petite dose, mais à long terme, on voit ce que ça donne. Ouais, mais il y en a que ça va les avoir rendus résistants, ça. La nature est très. Vous savez, là, il se crée de la résistance. La résistance, c'est pas juste. J'avais discuté avec quelqu'un qui était un collaborateur CQ. Là, j'ai eu le temps de le lire. C'est quoi Q? Ah, pas eux autres. Joseph Aneff, notre eau, notre air, notre terre est empoisonnée. Oui, la nature s'adapte, c'est vrai. Oui. C'est pour ça que de ne pas être fataliste. Mon conjoint a essayé de comprendre ce que je fais, mais le principe de la pensée vient d'ailleurs. Elle ne l'accepte pas, votre conjointe. Comment lui expliquer sans que son ego soit atteint? Je ne force pas la note. Vous savez, moi, je suis pas fort sur le prosélytisme ou à faire réaliser des choses de force. Parce que l'affaire que, bon, on s'identifie à des pensées, puis que c'est lié à la personnalité subjective circonstancielle, ça peut être démontré par l'argument, mais ça va rester de la psychologie. Donc, le fait que la pensée vient d'ailleurs, pour réellement s'en rendre compte, il faut confronter les pensées à l'intérieur. Puis ça, c'est l'individu qui doit faire ça. Donc, c'est difficile, là, à transmettre. Dans le fond, votre conjointe, ben, peut-être la respecter dans ce qu'elle. Le fait qu'elle ne comprend pas, puis de pas forcer non plus. Alors c'est ça, comme ne force pas la note, moins pas forcer la note. Des fois, c'est de laisser les choses se faire. De toute façon, j'ai remarqué, la vibration d'un individu agit sur son entourage, même pas besoin de parler. J'ai regardé juste avant le média, ils veulent vendre Macron. Ah ben là, ils veulent le louer, peut-être, il est vendu, ça fait longtemps. Mais bon, ben oui. Non, mais quelle merde dans le fond, là. C'est incroyable. C'est incroyable. En tout cas, des fois, je le trouve. C'est pire que Trudeau, là, quasiment. De toute façon, bon. C'est même. En tout cas. Vous savez, il est allé. Est-ce quoi? Il est allé en Algérie, flanqué de Jacques Attali, puis de l'autre, Jack Lang. C'est incroyable, juste ça, les gens, là, ils devraient. Bon, en tout cas. C'est ce que j'allais dire, je suis encore là. La résistance à l'empoisonnement. Oui, bien. De faire, il faut avoir une certaine confiance en certains processus qui vont de soi, qui vont se faire tout seul. Donc. Ma belle-sœur, elle tripe, vermifugée, a pogné la grippe du siècle. Pas la cove, s'est atteinte. Elle s'est testée 8 fois pour ne pas la propager. Ah, ah ouais, les vermes. Ouais. J'essaie de lui expliquer que la gravité de sa grippe est aussi une bonne raison de ne pas la transmettre. Ouais. Mais là, ça dépend là, spécifiquement. Là, Merci, le dernier enregistrement avec David, toujours aussi intéressant. Je le salue au passage. Ben oui, salut à David, qui est vraiment solide. Vraiment, là. Puis, ben, je pense pas qu'on pourrait faire ça une fois par semaine. On finirait par. Si la stratégie de Trump était réelle, je confirme qu'il a juste réussi à me dégoûter complètement. Ouais. Ben, vous savez, je n'ai jamais eu totalement confiance en Trump. À mes yeux, ça fait partie du théâtre. Donc, dans un théâtre, une pièce de théâtre, il y a plusieurs personnages auxquels qui sont faits pour que le public s'identifie plus ou moins à un ou à l'autre. Puis, bonjour Sabrina. J'ai jamais vu autant de gens avoir la grippe en plein été. Ouais, moi aussi. Et on a osé le. Et on en ose le pas trop. Là, dans 2 semaines, ils vont accuser le retour en classe pour déclarer l'urgence. Ben oui. Il y a des. Ben, pas juste ça, là. On n'en parle pas trop, moi. Ben, moi aussi, j'ai pas vu ça souvent. Dans les gens là, avec qui je discute, il y en a, ils ont eu des. Puis pas juste ça, là, des infections à l'acide difficile. On voit que c'est le système nerveux est à terre. Des infections à l'acide difficile, des infections au streptocoque A, puis toutes sortes de choses comme ça. Puis même l'influenza qui est pire qu'une influenza, là, il y en a servir en pneumonie. Puis finalement, il y a même ici une préposée aux bénéficiaires qui travaille avec les personnes âgées. Elle a fait un ACV, elle a eu des congestions sanguines au niveau de la poitrine. Puis là, après là, en ce moment, elle a une grosse grippe. Puis, pas l'air de faire le lien avec ces quatre. Puis, si ça se peut même que je ne serais pas surpris qu'elle ait cherché le cinquième. Ou à moins qu'il la force ou bon, ça dépend, là. Mais ils font pas le lien, ils veulent pas. C'est comme pour protéger l'ego de la réalité. Puis ça, jusqu'à un certain point, ce type de protection-là, ça en est de l'astral, puis ça peut mener vers la mort. C'est-à-dire l'être humain, pour vivre puis éviter la mort, il se garoche dedans. C'est ça de la subjectivité. Puis même mon frère, pour son travail, il s'est fait, je pense, lui, il est à 3 ou 4. Puis bon. Ça me surprend pas. Moi, j'en parle pas de ça à mes proches. Je leur dis jamais quoi faire. Fait que, bon, ils s'arrangeraient avec ça. C'est tout. Dans le fond, c'est de la corruption. Quand, pour garder son travail, on accepte des choses comme ça, c'est de la corruption. C'est se faire corrompre. Tous ceux qui m'entourent ont eu la grippe ces 2 derniers mois et j'ai pas juste une petite. Ouais, pas. Et autour de moi, il y en a plein de cancers. Ouais, j'ai vu ça aussi. Une dame qui est en rémission depuis des années, puis c'est. Réapparu. Des gens qui étaient en pleine forme. Mais ouais. Ben oui, regardez, il y a un jeune hockeyeur au Québec à 19 ans. Il est tombé raide mort. Puis aussi, vous avez vu là, une dame, je pense qu'elle est d'origine africaine, mais qui est une athlète pour l'Allemagne, qui faisait du saut en longueur, qui a eu un malaise. Puis bon, ça en fait combien comme ça, là, les athlètes? Pourquoi? Parce qu'il y a un effort cardiaque au niveau vasculaire, puis c'est du mastic. Le sang devient. J'ai fait une excellente imitation de Boileau en suggérant à mes proches d'aller chercher leur dose de rappel, m'insérant au préalable un quartier d'orange sous la lèvre. Ouais, Boileau, là, quelle physique ingrat! Il a la bouche comme un rabat d'enveloppe, un peu. Il a l'air d'une enveloppe. Mais bon, ben c'est ça aussi. Mais moi, ouais. Quel être sans charisme, sans spontanéité, complètement vide, le regard vide. Il est vraiment. Puis il a le sourire, là, on dirait le chat là, dans Alice au pays des merveilles. Bon. Je suis dans un état mental de lutte contre mes pensées, mais tabarnak, il n'y a rien d'intelligent, puis je flush la pensée aussitôt. Rarement, il y a un flash qui me donne la solution pour des trucs anodins. Ouais. Ben, l'affaire, c'est que justement, ça fait partie de l'épuration du mental, ça. J'ai été des années à chialer intérieurement, à dire, vous ne m'envoyez jamais rien d'intelligent. Ça m'a un petit peu vidé. Puis bon. Bonjour Sylvie. José, mais quand les gens réalisent que c'est dans leur entourage et que c'est beaucoup de gens autour d'eux à qui ça arrive, je leur souhaite de faire les liens. Ouais. Mais là, vous savez qu'il est un peu tard. Les gens qui ont marché, ben, ils sont peut-être faits, là. On verra. Puis, si les gens qui n'ont pas marché risquent de devenir gênants. Puis, il y a beaucoup de gens ces temps-ci qui rêvaient à moi ou qui me voyaient en rêve. Mais là, c'est pas moi, là, c'est une forme. Mais là, des fois, je me demande si c'est pas le double qui fait ça. Je le sais pas. Puis, ça veut pas répondre quand je le demande là-dessus. J'espère juste que je suis pas en train de devenir. Vous savez, là, dans l'affaire de Stephen King, là, la mère Abigail, j'espère que je suis pas une affaire de même. Ce serait bien le restant. Je veux pas vivre des choses ridicules de même. Boileau a achevé de me convaincre que la programmation est réelle. On dirait un cyborg. Ben oui. Ben, c'est ça aussi. Au moins, le docteur Arruda, il était comique. Mais l'autre, là, hey, il a le charisme. On dirait une truite en habit. En tout cas. Il était femme pianag, Gnostica, il parle de race racine, Atlante, Lémurienne. Ouais, c'est pas ça les races racines, nécessairement. L'affaire, c'est qu'il y a une influence théosophique. C'est bon, je suis correct pareil. Que penses-tu des camps pour le virus dont on parle? Ben, l'affaire, c'est qu'il y aurait, oui, il y a des. Ouais. Parce que, qu'on le veuille ou pas, il y a des. Ah, ouais, j'ai trouvé ça drôle, une truite en habit. Ben oui, mais il a l'air tellement frette. Il a l'air tellement vide. Il a les yeux de poisson mort, la gueule de poisson, c'est pas beau tout de suite. Bon. Mais là, en tout cas, c'est une face de chien. Mais moi, bon, l'affaire, les 15, c'est parce qu'il y a même des gens. Il y a même. Bon. Il y en a qui sont en train de faire des recueils de jokes. Mais il y a des gens dans le domaine de la construction qui en ont. Il y a eu des fuites. Et oui, il y aurait des camps. Mais juste ici, près de ma ville, il y avait un camp pour dans le temps de la Première Guerre mondiale. Puis les gens qui étaient d'origine austro, de l'Empire austro-hongrois, étaient internés là avec leur famille. Puis, c'est très difficile d'avoir de l'information sur les taux de mortalité, sur, parce que les gens étaient mis là-dedans avec leur famille, il y avait des petits-enfants, puis bon, puis supposément que c'est normal, ça, les camps de concentration. Mais là, c'est, comme je vous disais, dans le temps de la Première Guerre mondiale, c'était des camps d'internement. Mais prenez juste les États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui ont les citoyens d'origine japonaise qui ont été mis en camp. Il n'y avait pas de raison, c'était des Américains. Y en a même là-dedans, ils ne parlaient pas un mot de japonais. Ton observation sur le docteur Mayou était sur la coche. Sa jubilation m'a toujours interloqué. On voit la même chose chez certains animateurs sur d'autres plans. Lévesque, par exemple. Ah, oh, vous parlez de Denis Lévesque. Oh! En tout cas, Denis Lévesque, là, c'était un cirque, son émission. Moi, je n'étais pas capable de l'écouter. Vraiment pas, là. L'horreur et la torture mentale est devenue une normalité. Ben, ça revient périodiquement. Il y a des époques comme ça. C'est cyclique, semblerait, mais on dirait que là, ça a été programmé par des. Ouais. Prenez la Grande Loge de Montréal, il y a quelqu'un que je connais, à un moment donné, il y avait une journée porte ouverte, puis il est allé là. Puis il y avait le bus d'Albert Pike, puis il dit à la dame qui faisait faire la visite, tu sais qui ce bonhomme-là? Il faisait semblant de pas le savoir. Puis elle dit, oh, ça c'est un grand avocat, puis enfin. C'est lui qui a servi de modèle pour le Père Noël de Coca-Cola. Puis, bon, Santa, c'est un anagramme. Hein? J'avais fait de l'insomnie une nuit, j'ai dit au double de s'arranger pour me donner de l'énergie pour me réveiller et être en forme pour la journée. Le matin, une abeille me pique dans le char et sainte. OK? Ouais. Ça arrive, hein, des choses comme ça. Ben oui, ils ont un humour. C'est des comiques, hein? Fait que des petits maudits. Méchant réveil, ben je comprends donc. C'est terrible, ça. Ça fait tellement mal, une piqûre d'abeille. Je me rappelle quand j'étais petit, j'avais marché sur une guêpe morte. Puis le dard m'est rentré dans le pied. Puis la guêpe, habituellement, le dard se détache pas. C'est un insecte qui peut piquer à répétition plusieurs fois. Mais comme j'ai marché dessus, le dard m'est rentré dans le pied, puis il est resté là. Puis, oh, j'avais vraiment, ça, je m'en souviens juste sous le pied, là, où c'est tout tendre. Puis, je vais m'en souvenir toute ma vie. J'ai jamais été repiqué par un insecte depuis ce temps-là. Mais il reste que, bon, ben, j'ai dû avoir des petits morceaux d'araignée comme tout le monde quand on dort, là. Puis, bon, les petites, ça, c'est pas trop pire. Mais il reste que, il y a une fois, j'étais avec quelqu'un, puis on observait une fourmilière. Puis les fourmis se sont mis à attaquer la personne qui était avec moi, puis moi, non. Aussi, je comprendrai jamais ça. C'est peut-être lié à mon type de sang. Les poux me fuient. Les puces me touchent pas. Les maringouins me piquent moins que d'autres. Puis bon. Mais ça, l'affaire, là, de se faire piquer par une abeille. Puis en plus, bon, ben, il y en a qui disaient, méfiez-vous de ce que vous demandez, parce que vous allez l'avoir. Donc, dans le même mois, il y a quelques années, je me suis fait piquer 3 fois par une guêpe. Ah oui. Ouais. C'est spécial, ça. Ben, la guêpe, c'est assez douloureux. Les abeilles aussi, là. L'abeille, elle, tout de suite, elle laisse le dard. Puis, bon. Ah, c'était ma faute. C'était votre faute. Vous savez, le venin d'abeille? Ça peut servir pour soulager des douleurs. Parce que de la façon dont ça agit sur le système nerveux, c'est pour ça que j'ai toujours du venin d'abeille. Puis si je me blesse ou je m'étire un nerf, j'en mets dans ma main, puis je me mets ça là où le nerf passe. Puis ça brûle, ça fait mal. Puis finalement, après, quand j'enlève ma main, ça arrête immédiatement, mais ça engourdit les nerfs. Et le venin du colopendre aussi peut être utile. Il y a aussi des venins, la plupart des venins. Mais prenez le certain venin de serpent, puis bon. Sur la côte nord, les brûlots, c'est pas trop agréable non plus. Moi, j'ai déjà fait du camping. Puis je me dis, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Je les voyais pas, hein, c'était tout petit. Puis, moi. Mais ça, j'ai des. L'huile de citronnelle, je pense, ça les éloigne avec efficacité. Il n'y a pas beaucoup d'insectes qui aiment ça, là. L'abeille, elle laisse sa signature, oui, puis elle en meurt. La guêpe, elle peut piquer plusieurs fois. C'est vraiment une machine de guerre, ça, une guêpe. Tandis que l'abeille, c'est plus une sorte d'esclave. Mais prenez les fourmis, elles ont perdu leur dard au cours de l'évolution, mais c'est parent des guêpes. Elles ont évolué pour devenir différentes. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le film Phase 4. Je ne l'avais jamais vu. J'ai vu ça récemment. Genre, ça a l'air intéressant. Puis là, les fourmis prennent le contrôle de la planète. C'est un petit peu ça qui se passe. Pareil, enfin, j'ai marché sur une guêpe. Je m'en souviens aussi, la douleur, les gonflements ont duré pas mal de temps. Ah oui, moi aussi, je m'en rappelle comme d'un souvenir très vif. Puis j'ai toujours, aujourd'hui, quand je vois quelque chose, là, qu'il y a des couleurs qui nous avertissent, là, comme le jaune, le noir, qui étaient les couleurs préférées de mon père. D'ailleurs, il y a certains types de jaune que j'ai jamais été capable. Bon, boulot, je vous souhaite une bonne journée. Bon, ben, bonne journée, Stéphane. Nette chanceuse, une truite en les bords, vous êtes encore là-dessus. T'es pas mal drôle avec tes comparaisons ce matin. Moi, ben. C'est spontanément là, mais c'est ça l'effet qui me fait. Je trouve qu'ils ont toutes des faces de poisson. On dirait des poissons. En tout cas. Concernant l'histoire de ton appendicite, j'ai vécu exactement la même histoire que toi. J'ai trouvé ça drôle. Ah oui. Moi, dans le temps, je n'avais pas trouvé ça drôle, là. Je savais que j'étais en train de mourir, puis je me préparais à ça. Puis, surtout les guêpes, hornettes, ouais, elles viennent à l'automne et sont super agressives. Elles te courent carrément après pour rien. Oh, oui, ben, c'est territorial. C'est territorial, puis bon, en plus, c'est assez intelligent. Les guêpes, maintenant, ben, depuis longtemps, je les enfume avec certains produits inflammables. Je décroche les nids, puis je me le fous dedans. Ben, il n'y a pas autre chose à faire, là. Mon plus vieux souvenir, piqûre de guêpes à 3 ans. Ah oui, j'accueille des framboises avec mon frère. Moi, c'est des choses qui marquent, hein. Ça ancre dans la matière des affaires. Ça crée de la mémoire. J'avais un nid des guêpes dans mon garage. Le pompier, ils viennent pas. Il faut appeler une entreprise et j'ai payé 70 € avec la garantie de 6 mois. Ah oui. Personnellement, j'ai toujours fait ça tout seul. C'est pas compliqué. C'est de les enfumer avec un produit qui les désoriente. C'est très sensible, une guêpe. Puis certains produits, là, immédiatement, notamment tout ce qui est pour l'entretien du cuir, ça les ils deviennent complètement. Puis en plus, si vous mettez ça sur le nid, il va devenir inflammable. Donc après, vous le décrochez, vous le sortez à l'extérieur, puis vous le brûlez. Puis là, vous regardez les petites larves cuire. Bon, mais elles sentent rien, dans le fond, elles sont droguées. La fumée, j'adorais pitcher des roches sur les nids de guêpes, ah oui. Moi, choix en particulier, on dirait un mirou. Ah oui, hein, lui, c'est vraiment un humanoïde de la mer. Comme le film des années 70, les humanoïdes de la mer. Né d'une taille d'un ballon, moi, j'en ai déjà décroché un dans un grenier. C'était gros comme un melon d'eau. Une pastèque, là. C'était vraiment. Ouais, mais là, il était vide. C'était fini. Déjà trouvé en plein, hein. Mois de janvier, elles étaient toutes endormies, ouais. Moi, c'est le bon temps là, pour les décrocher. Les insectes n'aiment pas le froid. Je retourne travailler. Bonne journée. Bon, ben, bonne journée à vous. Donc, bon, Mimi, encore quelque chose qu'elle trouve drôle. Ah non, mais Klaus Schwab, parce que c'est lui, là, il a vraiment une face de poisson. L'autre, là, Zuckerberg aussi. On dirait, c'est Lovecraftien, on dirait que c'est une race d'hommes aquatiques. Puis, même au Québec, là, on a les démarais, là. Ça me fait penser à la créature du marais. Mais, vous savez, là, le physique, ça en dit long. Ça en dit long. Des fois, ça va être complètement le contraire. Il y a des gens extrêmement laids qui sont des personnes extraordinaires, qui ont bon cœur, et puis, mais habituellement, là. Hey, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de vous lire, Todd. Donc, ben non, il y a clairement une guerre. Puis, au niveau, comme nous sommes chevauchés, hein, la pensée vient d'ailleurs. Puis il y a de la programmation, il y a toutes sortes de choses. Il semblerait que, il y ait certains types physiques. Vous savez, là, l'avatar, la physiognomie, bon, pas tomber nécessairement là-dedans comme une science exacte, mais on peut remarquer des petites choses. Habituellement, les gens qui ont un physique harmonieux, bon, c'est bon signe, mais pas toujours. Ça peut être totalement le contraire, là. Regardez Ted Bundy, toutes les femmes le trouvaient donc beau. Mais il dégage de quoi de dégueulasse. J'ai marché sur un dard de guêpe dans ma cuisine. J'ai resté surprise pas mal. Oui. Oui, ça reste actif. Ça reste. Le choix m'inspire un croisement entre un poisson et. Ah oui. C'est pas gentil pour. Bon. Dans le fond, on n'est pas gentil avec les poissons. Aucune trace de la guêpe. Moi, ah, eh bien, la face à l'ego change aussi, de plus en plus lisse. Ben oui, ah oui, il est vraiment lisse, ce bonhomme-là. Moi, du monde qui ont les dents mal alignées, là, lui, il est vraiment. C'est pas bon signe d'habitude. Je serais curieux de remonter dans son arbre généalogique. D'après moi, là, ouais. Berthold, pour les rêves, j'ai déjà rêvé de votre image. J'ai su que c'était un reflet de votre double. C'est possible des phénomènes comme ça. Ça m'est déjà arrivé de vouloir volontairement aller visiter quelqu'un dans ses rêves, puis finalement, ça fonctionnait pas. Donc, je me suis rendu compte que c'est plus une autre partie là, de moi qui fait ça, là, qui en a la capacité. De toute façon, il y a un paquet de phénomènes. J'ai tout le temps demandé, j'aimerais ça avoir le contrôle du phénomène, pouvoir m'en servir quand je veux. Puis ils veulent pas. Comme les flashs lumineux, ces choses-là, c'est très vivifiant, ces choses-là. Puis non, ils veulent pas que j'aie le contrôle sur le phénomène. Donc, bon, je laisse ça faire. Ils savent mieux que moi, dans le fond, ça le double, il sait mieux que moi ce qu'il fait. Parce que moi, on est des tatans, hein? Moi, en tout cas, j'ai encore l'ego pollué pas mal. Puis j'ai une personnalité. Peut-être ce ne sont pas des humains. Il faudrait définir c'est quoi des humains. Dans le fond. Moi non plus, ils veulent pas. Ben non. Puis ça garde le contrôle. Tout ce qui est au niveau du plan des auteurs du mental, ils veulent pas que l'ego ait le contrôle. Parce que bon, ils servent des forces évolutionnaires. Puis l'ego est subjectif. Fait qu'ils veulent pas. Mais bon, il y a d'autres phénomènes que j'ai fini par. Bon, à un moment donné, la gestion se transfère. Mais là, c'est long. Puis il faut attendre faut que l'ego, il se soit. Bon, en tout cas, est-ce que certains messages sont censurés? C'est possible. Mais c'est pas moi, là. Au moins, j'ai pas les trolls, là, avec des noms d'Europe de l'Est qui écrivent en allemand pour qu'on clique sur probablement des sites que ça détruirait votre ordinateur, là. Au moins, j'en ai pas ce matin. D'après moi, ils sont en Amérique du Nord. Mais ils se font passer pour du monde en Europe. C'est bien possible. Mais dans le fond, il y en a un, j'y avais répondu en allemand. Je l'envoyais chier. Mais finalement, ça donne rien. Maintenant, ce que je fais quand j'envoie sous mes vidéos, je les signale. Parce que de toute façon, c'est tout le temps des liens avec du contenu pornographique. C'est mal comprendre la clientèle qui est ici, hein. Parce que ça ne marchera pas, là. En tout cas, le monde ne clique pas là-dessus. Ils sont pas fous. Ils sont plus intelligents que ça. Bertel, maintenant que vous savez ce qu'il vous reste à faire, achetez une petite piscine et des trinités. Non. J'ai pas l'intention d'avoir de piscine jamais. J'ai jamais compris que les gens aient ça. Ça déguise le parterre. Puis, non, je fais mieux les petits marais, les petits étangs. Oui, je sais que c'est pas de votre part. Mais non, j'ai pas de contrôle sur ça. J'en ai une chez moi aussi. Ah oui, bon. N'avait pas besoin. De toute façon, ils veulent. Pour ce qui est du voyagement là, au Canada, là, vous voyez comment ils font tout pour. Bon, ça serait loin un petit peu aussi. En ce moment, il fait à peu près. Il fait autour de 12 degrés ici, là. C'est fini les piscines. Éric Salvaille est un exemple d'un propre aux dents blanches, aussi pourri que les autres, mais ça paraît moins moi. Bon, moi, lui, j'ai jamais été capable. Et jamais été capable. Au début, moi, puis je l'ai vu en personne à lui, quand il était animateur de foule, puis je me disais, maudit fatigant, Christy, que ce gars-là est fatigant, maudit énorme, Trinité, sinon, il faut inviter Bertold. Ah, oh, ben, je passe pas, je suis pas un faiseur de voyage, ben, pas au niveau des moyens de transport. J'ai remarqué et j'ai mentionné hier les beaux Allemands sous une des vidéos. Oui, j'en ai eu 4-5. J'en ai eu 4-5 sous une vidéo. Je les ai tous signalés, puis effacés. Puis je suis persuadé que je vais en avoir encore d'autres. Mais ça, c'est parce que je dérange. C'est un peu comme l'oiseau moqueur aussi. Il y en a qui pensent que c'est les trolls de l'oiseau moqueur que je suis rendu avec, mais je les ai eus en premier. Je les ai effacés immédiatement. Mais finalement, bon, je pense que vraiment, c'est des agences de renseignement qui ne sont pas en Europe. C'est ici. Parce que c'est ici que ça dérange le plus. Les trolls, quand ils viennent, c'est pas pour signaler votre chaîne. Je ne sais pas. Moi, je pense que c'est pour essayer de faire du trouble, là, puis bon. C'est exactement ça que j'ai dit. Ouais. Mais oui, mais c'est comme Ah oui, c'est ici, c'est certain. Puis là, ils ont des noms d'Europe de l'Est écrits en cyrillique, puis en dessous, c'est des textes en allemand. Des petites brunettes de 18 ans, blablabla. Ben oui, mais là, c'est vraiment des pièges à cons, là. Quelqu'un qui cliquerait là-dessus, cliquez jamais sur les liens de ces trolls-là. C'est certain que c'est pour infiltrer vos ordinateurs. Puis, c'est probablement lié au SCRS, possiblement. Pas mal sûr. Parce que, bon, on est tous fichés, hein. Puis, bon, en tout cas, si des bonnes chaînes, elles dérangent, ils le laissent toujours dans les commentaires, moi. En tout cas, bon, j'ai été fort un petit peu avec nos gouvernants. Puis, bon, ça fait bien longtemps que le net est contrôlé. Ben oui, ça a été créé par l'armée américaine. Prenez Facebook, pensez-vous vraiment que c'est Zuckerberg qui a créé ça? En plus, ils nous ont fait un film, là. Dès qu'Hollywood vous fait un film pour vous expliquer des faits historiques, là. Oh non, c'est la CIA qui a créé Facebook, les agences internes de renseignement, comme l'FBI, puis toutes ces cochonneries-là. J'ai vraiment des cochonneries, des pourritures. C'est comme le SCRS au Canada, à un moment donné, ils ont monté la tête d'un couple d'attardés mentaux dans l'ouest du pays, dans le but de leur faire commettre des attentats. Puis le but, c'est de créer de la merde pour ensuite justifier des lois liberticides, puis des budgets. Comme là, Legault, il se plaint, là, oh, là, il y a une montée de tension, il y a de la violence, puis c'est pour justifier des mesures, puis des budgets. C'est tout. Dans le fond, là, il est pas content de la montée de la violence, sinon qu'à s'en prendre à lui-même. Ben, c'est lui qui a tout fait ça. C'est lui qui a confiné des gens en santé. C'est lui qui a... Prenez là, les enfants de la DPJ qui étaient enfermés 24 heures sur 24 dans des pièces sans fenêtre. C'est de la maltraitance, ça. C'est lui qui a fait qu'il y a des. Dans le fond, avec ces mesures, des gens sont morts d'inanition dans les CHSLD. Puis il ne veut pas d'enquête publique. Puis il se demande pourquoi la colère monte puis qu'il y a de l'attention. Voyons. Quel gnochon. En tout cas, nos télés nous surveillent depuis longtemps. Ouais, les Samsung. Je vous l'ai dit, à la Corée du Sud. Puis les Américains, ben. Bonjour, cellule or. Mimi, je me demande si les VPN sont véritablement sécuritaires. Moi, j'en ai jamais eu de ça. Ben, j'en ai un avec mon antivirus, là. Mais je m'en sors pas. Mais non, il y a c'est de l'illusion. Quand on se pense protégé, on baisse la garde. C'est ça le but. Donc. Un peu comme l'affaire du Maharaja là, qui relâche des tigres, là. Puis qui est là pour nous protéger des tigres, c'est lui qui les relâche. Des gens, ils pensent que le net, c'est gratuit, mais ça sert pour récupérer nos données. Et voilà, ça a une grande valeur. J'ai rêvé que nous jasions ensemble. Oui, ça arrive souvent, ça. Mais ça se peut que ça soit votre double à vous qui ait pris cette forme-là. Dans le fond, c'est difficile, c'est du cas par cas. C'est pour ça que non plus pas avoir de certitude, ça peut être dangereux. De beaux scénarios et des histoires de toutes sortes, ça occupe l'esprit des gens. Ben oui, faut les étourdir pour qu'ils fassent machinalement les choses. Et voilà, c'est comme quand j'étourdis les guêpes pour brûler le nid. Ils font un petit peu pareil, là. Donc, on donne la garde des enfants aux mauvais parents et ça, c'est automatique. Oui, j'ai remarqué ça. C'est voulu, c'est voulu. Dans le fond, la DPJ, là, c'est une des pires affaires qui existent. Je parle au Québec, là. La DPJ, puis ils ont carte blanche. Hey! Comment ça, ils ont carte blanche de même? Il y a de quoi qui ne fonctionne pas, là. Puis avez-vous vu les personnes qui travaillent pour la DPJ? Des drôles de profils, hein? Il y en avait un qui travaillait pour la DPJ, qui avait loué un appartement ici, puis il battait son chien à coups de cravache. Quelle sorte de monde, c'est ça? Un chien, quand on comprend c'est quoi un chien, on n'a pas besoin de le battre pour l'élever convenablement. C'est voulu, ben oui, c'est voulu. Selon les lois, nous sommes des biens et non du vivant. Ben oui, il y a la loi de l'amirauté. l'Empire britannique. Mais c'est rendu pareil, là, l'Europe. Puis bon, j'ai rêvé que nous jasions ensemble. J'ai juste retenu qu'on se tutoyait. C'était plutôt détendu. Moi, ben, au niveau des rapports avec un public, je vais être porté à vous voyez les gens parce qu'au fond, il n'y a pas de proximité. Donc, c'est une question de convenance. Dans le fond, ben, j'ai été élevé comme ça. Ils ont plus de pouvoir que la police. Ben oui, c'est vrai ça. Ben, la police est là pour les protéger, dans le sens qu'ils ont carte blanche. Puis là, si ça ne fait pas, ils appellent la police. Puis ils se foutent des arguments qu'on peut avoir, là. Puis ils enlèvent carrément les enfants. Anciennement, là, le gouvernement allait enlever les enfants des Autochtones. Puis finalement, ils ont créé la DPJ. Puis là, ils peuvent enlever les enfants de tout le monde. Donc, oui, de la ressource humaine. Ben oui. Mais c'est pas juste la DPJ, c'est aussi la cour familiale qui traite de la garde noire. Ouais. Oh, c'est. Maritime, il faut. Loi maritime, il faut s'intéresser. Ben oui, c'est ça qui rend possible tout ce qu'ils font, là. Dans le fond, on n'a aucun droit. La couronne peut saisir la maison de qui elle veut, n'importe quand. Puis vous aurez aucun recours. Puis le fisc qui peut saisir n'importe quel compte. Ils n'auront pas à justifier, puis il n'y a pas besoin de demander d'un juge. C'est pour ça qu'à un moment donné, dans l'entrevue avec David Lévesque, je parlais, ben, vous pouvez conserver des choses à l'étude d'un notaire, parce que là, ils vont avoir besoin du mandat d'un juge. Parce que là, c'est plus une saisie contre vous, c'est une saisie du notaire, carrément. C'est plus pareil, là. Oui, la police les protège. Ben oui. Ce qui a été fait aux Autochtones, ils le font aux Québécois. Ben oui. Nous autres aussi, on est vus comme une ethnie coloniale, les Canadiens français. Nous aussi, on est propriété de la couronne. Prenez les Canadiens anglais, sont techniquement sujets britanniques. Les Autochtones sont techniquement, ils ont le statut d'Indien, si vous voulez. Les Canadiens français sont sans statut. On a la valeur d'un baril sur le pont d'un bateau. Notre acte de naissance a une grande valeur. Moins. Ben, vous savez, juste le fait qu'on a des numéros d'assurance sociale, puis bon. Et ce sont des privilégiés qui sont donnés, pas de droit. Moins. Ça dépend ce que vous voulez dire par là, pas le droit à marchand, moins. Ben, ça, l'affaire, la loi de l'amirauté, puis ces choses-là. La première fois que j'ai eu vraiment connaissance de ça, c'est dans les années 90. Quand j'ai compris ça, j'étais un petit peu en colère contre la naïveté de mes parents, m'avoir fait venir mon numéro d'assurance sociale. Puis, mais au fond, est-ce qu'on a à leur en vouloir, là? Ils savent pas, dans le fond, ce que c'est. Mais j'ai une de mes tantes, ses enfants, dès qu'ils venaient au monde, elle faisait venir les cartes, puis elle les enregistrait. Dans le fond, là, pas non plus tomber dans les affaires comme les citoyens souverains. Là. Il y en a, là, eux, ça va. C'est, dans le fond, ils polarisent trop. Parce qu'il y a moyen de se servir du système, dans le fond. Parce que là, c'est se mettre en danger. Je crois que je me pose des questions là, sur certains. Il y en a qui conduisent sans permis, puis la police les arrête pas. Des genre citoyens souverains, là. Ça veut dire qu'ils sont utiles, puis qu'ils servent d'eux pour ficher le réseautage. Donc, ça devient dangereux. J'ai été très en colère quand j'ai su que c'est moi qui ai donné mon enfant au système, moi. Bon, moi, vous vous en êtes rendu compte par après. Mais bon, un système, ça se défait de l'intérieur, puis on n'aura pas le choix, là. Non, c'est pas grave. Les numéros de compte créditeur sont les numéros d'assurance sociale. Ouais. Ben là, j'avoue, je ne suis pas calé beaucoup au niveau technique là, de certaines. C'est Sarkozy qui avait déclaré que l'homme n'est pas une marchandise comme les autres. S'il y avait au moins arrêté en disant l'homme n'est pas une marchandise, ça aurait été correct. Mais comme les autres, ah, ça prend tout un autre. Ah, Sarkozy, quel. Ouais. Lui, ses ancêtres auraient dû rester en Hongrie. À un moment donné, j'avais une de mes amies qui disait que c'est ça, à la tête de la France, il y a un Italien. Je dis, bah, c'est pas un Italien, c'est un Y, c'est pas un I. De quoi tu parles? En tout cas, c'est que quand tu n'utilises pas les services, tu n'es pas lié à leurs règles. Ça dépend. Parce qu'ils ont. Il y a tout le temps il y a tout le temps une coquille pour rattraper. Des gens ne sont même pas au courant de la loi maritime, ben, le trois quarts, même plus que ça. Je dirais qu'il y a peut-être une personne sur 500 qui est au courant de ces choses-là, puis peut-être même pas. Même pas. Puis en plus, c'est pour ça que quand vous allez en cour, l'avocat n'a pas le droit de dire l'homme que je défends, il n'a pas le droit de dire la femme que je défends. Il faut qu'il dise mon client, ma cliente. Parce que ce sont des cours commerciales qui sont régies par la loi maritime. Donc, vous êtes là en tant que en tant que, vous savez, ça date du temps des postes de traite de fourrure. Vous êtes là seulement en tant que aussi à un niveau corporatif, dans le fond, là, quand vous êtes là, dans le fond, vous faites affaire avec les instances de justice. C'est pas ce qu'on appelle des cours de droit commun. Puis c'est pour ça qu'il y a certaines affaires, les droits de l'homme, puis certaines chartes internationales que le Canada ne signe pas, puis qui sont pas valides ici. Donc, oui, c'est sûr, la coquille, c'est par la force. Ben oui, j'ai retrouvé deux comptes bancaires ouverts à mon nom, à la Banque de France, sans mon consentement. Ah oui, c'est des fraudes, ça, à moins que ce soit bon. Des tactiques liées à l'État, là. L'avocat ne défend pas les droits de ses clients. Ben non. Ben non, il défend l'existence commerciale de son client. Puis ses droits à ce niveau-là. Donc, c'est pas les droits humains. C'est pour ça, le droit à la vie, le droit à la dignité, ben, tout ça, bon, c'est pas. Mais de toute façon, faut être capable aussi de se servir des cours. Moi, quand je suis lésé, je visite pas à poursuivre. Puis, il y a un bout de temps que je voulais rien savoir du système, puis tout, puis maintenant, ben, je me défends. Puis, à un moment donné, il y a moyen de se servir du système contre lui-même. Comme, qu'est-ce qu'il dit donc, si Satan est érigé contre lui-même, comment est-ce que son royaume peut continuer? Donc, il y a moyen de. Il n'y a pas de droit, moi. Il moissonne notre énergie, oui, de toutes les façons, ben, ceux de l'esclavage. Très subtil, de plus en plus subtil. Toujours se représenter soi-même. Ça, j'hésiterais un petit peu. Parce que les juges, des fois, y a un avocat, c'est comme un médecin, ça se magazine, il y en a des papiers. Bonjour à tous, bonjour Ingrid. Je vais devoir cesser bientôt, ça fait 1 heure, là, puis. Un juge m'a dit un jour que la compromission dont j'étais accusé était d'être présente devant lui parce que je collaborais avec les autres parties. Ah, bon, ça dépend du contexte, là. Tous les avocats doivent prêter un serment secret promettant de ne pas déconsidérer l'administration de la justice pour entrer au barreau. Et voilà, là, on entre dans ce qu'on appelle la partie discrétionnaire de la formation, c'est-à-dire que quand vous entrez dans certains métiers au niveau de votre formation, à un moment donné, vous entrez dans une partie qui est discrétionnaire, c'est-à-dire là, vous tombez que vous ne pouvez pas parler de ça publiquement. C'est la partie qui est discrétionnaire. Vous avez vous avez un devoir discrétionnaire. Ça a toujours fait partie de la noblesse de robe qu'on appelle, ou les notables. Puis c'est ça qui fait que c'est des castes au fond. Donc, je dois quitter. Bonne journée. Ben moi aussi, je vais quitter bientôt. Bonne journée à vous, Virginie. Marie-Jeanne, secret professionnel. Moi, ça va plus loin que ça. Parce que le secret professionnel, par exemple, c'est ce qui lie l'avocat à son client, tandis que le devoir discrétionnaire, c'est ce qui lie l'avocat au barreau, puis au système. Donc. Quand tu fais un crédit bancaire, c'est ta signature qui débloque l'argent sur ton compte créditeur et te font payer des intérêts sur de l'argent qui t'appartient, l'arnaque du siècle. Ben oui, c'était le contraire, les banques avant. Dans le fond, quand vous donnez de l'argent à une banque, vous lui rendez service. Puis souvent, si vous lisez les petites clauses, puis tout, là, vous allez vous rendre compte que si la banque est en difficulté, ce n'est pas votre argent, elle a le droit de saisir ce qu'il y a dans votre compte. Donc, ça dépend des banques, là, mais regardez au Québec, nous avions les caisses populaires Desjardins, fondées par Alphonse Desjardins, qui voulait financer les agriculteurs pour que les agriculteurs deviennent propriétaires de leurs terres. Puis là, ils ont commencé par enlever le mot populaire, là, c'était les caisses Desjardins, puis là, maintenant, c'est le mouvement Desjardins. Tout ce que M. Desjardins avait voulu, ils l'ont complètement détruit. Complètement. Puis c'est devenu des banques. Puis pourtant, c'est encore considéré statut de coopérative. Donc, vous ne pouvez pas acheter des actions de Desjardins parce que ce n'est pas une banque à proprement parler. Mais ils agissent comme des banques. Puis les pires services que j'ai jamais vus. C'est vraiment la pire institution financière de la province, tellement que j'aime mieux les Anglais. J'aime mieux l'Imperial Bank of Commerce puis toute la gang. J'aime mieux la Banque nationale puis ces affaires-là. Parce que Desjardins, c'est un service de marde. Ça a été détruit puis ça a été voulu comme ça. Ça avait été créé pour rendre les gens indépendants. Donc, ça a tout de suite été commencé à être infiltré puis détruit. Puis maintenant, bon, c'est le contraire. Donc, notre présence devant un juge est. Que l'on consent à se défendre. Si on doit se défendre, c'est que l'on est déjà coupable et on se compromet en consentant. L'affaire, c'est que vous vous défendiez ou pas. Si vous êtes accusé, vous restez pareil, là. Puis, au pire, si vous voulez, si c'est vraiment pour vous défendre au niveau de votre droit, parce que vous poursuivez une institution ou quelqu'un, c'est pas pareil. C'est pas une se défendre d'accusation. Ça, c'est même offensif, je dirais. Des fois, être stratégique, des fois. En tout cas, selon mes expériences personnelles, lorsqu'on sait s'exprimer, les juges étaient favorables à la partie défendresse, surtout que les attaques étaient injustifiées. Moi, ben, c'est de l'opinion, dans le fond. Le juge, c'est subjectif, un juge. C'est pour ça que j'ai de la misère un petit peu là, des fois. Là. Vous savez que vous allez gagner ou perdre votre cause, des fois, juste par la vibration du juge. Quand on dépose de l'argent à la banque, elle lui appartient, on lui prête, car ce compte leur appartient. Nous, on n'est que le titulaire et non le propriétaire. Voilà. Ben oui, et puis si la banque est en difficulté, ils peuvent saisir votre argent pour se renflouer. C'est arrivé là au Liban. Puis ailleurs, même en Chine, là, ça a commencé à arriver. Puis les gens, leur espèce de passe vaccinal ne marchait plus pour que les gens ne puissent pas monter dans des autobus pour aller manifester. Ils s'arrangeaient pour bloquer les gens. Puis bon, il n'y a rien de pire que Desjardins rouges, je suis d'accord. J'ai la caisse. Desjardins, ce sont les plus crosseurs. Ben oui. Puis ils sont bêtes en plus. Il y a eu un témoignage, une dame de plus de 90 ans, elle n'arrivait pas à avoir le montant qu'elle demandait parce qu'ils n'avaient pas de change, puis ils l'ont carrément envoyé chier. Une femme de 90 ans, ils l'ont envoyé chier. Mais ça, c'est un employé qui a fait ça, mais quand j'ai entendu ça, j'étais tellement en colère. On est des locataires de notre argent qu'on a gagné et mis à la banque. De toute façon, l'argent était mis par qui? Vous voyez, là? La seule chose qui nous appartient, c'est l'énergie, pas le support. Desjardins, c'est la caisse des policiers. Moi, malgré que j'ai connu des policiers, puis ils n'aimaient pas plus Desjardins que moi. Le compte créditeur est lié à la titrisation sur les marchés boursiers des actes de naissance. Ah oui, ça, je comprends. Je ne connais pas tout à fait le système en France. Là, faudrait que... Je vois le système de justice comme. Tomber dans le piège du triangle de Cartman. Ben oui, c'est pour ça que vous avez un juge qui se dit juste et impartial, donc c'est plus que le triangle de Cartman. Vous avez un quadrilatère. C'est le juge qui mêle l'addit de la DPJ. Ah oui. Ah, il y a 11 ans de cela. Ah oui, qui vous a dit les caisses des jardins sont oxydées. Moi. Je ne sais pas là, si c'est lié à votre commentaire d'avant. Je suis tout à fait d'accord, commentaire sur l'opinion du juge, à savoir à l'avance selon la vibration. Oh oui, moi je le suis tout de suite. J'ai surtout eu affaire à des juges femmes quand je décidais que j'actionnais quelqu'un ou une compagnie, là. Puis je le suis tout de suite. Je le suis tout de suite si ça va marcher ou pas. Mais là, la dernière fois, là, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Elle était fermée, la dame était froide. Puis... En tout cas, l'avocate que j'ai pris a fait une belle prestation. Mais comme je disais avec elle, là, c'est 60-40. 60% de chances que ça marche, 40% que ça ne marche pas à peu près. Parce qu'au niveau des arguments et de la jurisprudence, normalement, je devrais avoir gain de cause. Mais là, je vais voir, là. En plus, j'attends ça pour des projets, là, que ça débloque des fonds. Parce que là, après, moi, dès qu'il y a un jugement, je suis saisi à huissier, puis il va me faire payer tout de suite. Dès notre présence devant un juge, il m'a dit que l'on se compromettait. Il lui donnait tous les droits de décider pour nous. Ben, jusqu'à un certain point, oui. Mais que vous vous présentiez de gré ou de force, revient au même, là. Mais des fois, ben, faut savoir se servir pareil du système. Je veux dire, il n'y a pas juste des mauvais côtés, c'est une affaire de compromis. Puis bon, mais tant qu'à moi, les juges, il y a un notaire que j'ai connu, il disait, c'est tout, faut appeler ça votre honneur, puis c'est tout des bandits. Puis c'est un notaire qui disait ça. Puis, ouais. Il y en a un dans mon coin, là, le juge, là, il achetait de la coke. Ça, c'est quand ils vont pas à l'étranger pour commettre des choses qu'ils n'oseraient pas commettre ici. Le tourisme sexuel, puis, moi, j'ai bien de la misère avec ces gens-là, dans le sens que. Bon, ben, peut-être c'est moins pire maintenant, il y a plus de dames juges. Mais il reste que. Ah, les juges, là. Souvent à l'école, j'étais tout le temps premier en mathématiques, sauf des fois, je me faisais battre. Ben, j'ai eu à un moment donné quelqu'un qui était aussi fort que moi en mathématiques, c'était le fils d'un juge. Puis son père, c'était un spécial, il était bizarre. Moi, je vais vous laisser. Le téléphone sonne, donc c'est pas pour moi, là, mais quand même. Donc, le système de justice est une entreprise corporative. Ben oui, ils connaissent la loi. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ouais, ben, c'est parce qu'ils savent contourner. C'est un petit peu ça, la loi, là. Quand vous la connaissez, ben, vous pouvez ne pas vous compromettre. Parce que, bon, ben, je vais vous souhaiter bonne journée à tout le monde. Enfin, je dois vraiment quitter. Donc, bonne journée.